Vous êtes à l'écoute de... Le Transjana. Le Transjana. Le Transjana. Le Transjana. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur Tranche d'Anar, une émission anarchiste sur Radio Air Libre. Le week-end passé, j'ai été à la petite foire à Semel et vous allez le savoir. La petite foire est le pendant alternatif de la grande foire agricole de Libramont, cette haute kermesse de l'agriculture en Wallonie. La petite foire, donc, est organisée par le MAP, Mouvement d'Action Paysanne, avec le soutien de plein d'autres associations. Le thème de cette 9e édition était la transmission. Et si on parle de transmission, c'est donc une transmission agroécologique des fermes, des terres, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-devenir. Bienvenue à toutes et tous à cette 9e édition de la Petite Foire. La Petite Foire qui se veut depuis le départ la vitrine de l'agroécologie paysanne. La Petite Foire, ce n'est pas une foire commerciale, ce n'est pas un marché de terroir, c'est un moment important de militance, c'est le moment où on essaye de rassembler celles et ceux qui, au quotidien, préparent votre nourriture, notre nourriture. Et la Petite Foire veut leur donner pendant 2 jours la possibilité de raconter, de montrer que les choses sont possibles, parfois avec des bouts de ficelle, souvent avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup beaucoup de bonheur aussi. Et c'est ce qui vous permet chaque matin d'avoir du bon pain, des œufs, et etc. etc. Et c'est ce qui vous permet aussi, toutes et toutes, de changer les choses. Alors, depuis le départ, la petite foire a veillé à associer à la fois les producteurs, les artisans, mais aussi les associations. Elles sont fort présentes cette année, elles nous ont donné des coups de main énormes. Et nous avons tous ensemble choisi de parler de la transmission. Pourquoi la transmission ? Parce qu'aujourd'hui, 65% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Parmi eux, 21% ont déjà un successeur, une successeure. 38% ne savent pas s'ils en auront un ou une. Et 40% d'entre eux savent déjà qu'ils n'en auront pas. Dans 15 ans, on ne sait pas qui va nous nourrir. Si ça continue comme ça, évidemment. Après ce bout d'introduction, et on va continuer très vite, un petit point d'info technique. Tout est enregistré avec les moyens du bord. Là, vous venez d'entendre qu'on est à quelques mètres de la route entre Libramont et Neuchâtel, soit. Nous continuons avec l'intervention de Sylvia Pérez, économiste, sociologue et membre de mouvement de lutte paysanne. Bonjour à tous, je suis contente d'être là, je suis toujours contente de venir en Belgique, donc je suis très contente, et en Wallonie en particulier. Alors, je me présente, je suis Sylvia Pérez-Vitoria, je suis au départ économiste, mais comme j'ai toujours, je me soigne. Je fais aussi de la socio, j'ai fait des films et je travaille depuis très très longtemps sur les questions paysannes, agricoles. Je suis compagne de route du mouvement Via Campesina, dont je vais vous parler dans un petit moment. J'ai écrit plusieurs livres. Ça fait longtemps que je suis aussi le travail que fait le MAP, que je trouve assez intéressant. Donc j'ai essayé de baser mon intervention sur une transmission agroécologique, mais je vais essayer de remonter un petit peu dans le temps. Alors d'abord, rappeler que depuis les origines de l'agriculture, les connaissances, elles se transmettaient au sein du groupe familial ou des communautés. Les savoirs, ils étaient adaptés à des milieux très variés et donc ils étaient très diversifiés. Ils étaient liés à des territoires, ils étaient liés à des histoires locales et c'était pareil pour les semences, c'était pareil pour les outils. On était dans une très très grande variété de savoirs, de connaissances extrêmement adaptées. Et comme vous le savez, les paysans se sont installés dans le monde entier, dans des endroits tout à fait diversifiés. Entre les Andes et la Belgique, il y a une très grande différence et partout il y a des savoirs et des connaissances. La plupart du temps, les pratiques culturales étaient collectives et même les terres étaient collectives. Les hommes qui savaient qu'ils dépendaient de la nature pour vivre en prenaient soin et les échanges se faisaient au plus près. La dite modernisation de l'agriculture a rompu cette continuité et la transformation du paysan en agriculteur, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, a supposé la privatisation des terres et des semences, le développement de nouvelles connaissances qui étaient produites pour s'adapter à un système compétitif, marchand, industriel. Donc c'est un autre type de savoir et de connaissances qui se sont développées, avec une très forte dépendance, aussi bien des intrants que de l'industrie, aussi bien pour les intrants que pour les débouchés. Avec en prime, bien sûr, une course effrénée à la compétitivité, à l'agrandissement, à la nécessité, s'il le faut, d'écraser le paysan d'à côté pour s'agrandir, pour gagner des parts de marché, etc. C'est une véritable rupture. Les conséquences, on les connaît, disparition des paysans, destruction des milieux naturels, pollution, des changements climatiques, etc. Et un coût énergétique colossal. Au total, rappelons-le, parce qu'on nous reproche souvent d'une autre agriculture, rappelons toujours que ce système n'alimente pas les gens. Il y a près d'un milliard, et la faim est en train d'augmenter, il y a près d'un milliard de gens qui ne mangent pas dans le monde, et quand ils mangent mal. Donc ce système-là n'alimente pas, tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour faire de l'argent. Et si c'est plus rentable d'utiliser le blé pour faire d'un agrocarburant, et ben on le fera sans hésiter. Ce qu'il y a de nouveau quand même, c'est que depuis quelques temps, les limites du système agro-industriel commencent à apparaître. Et moi, par exemple, c'est la première fois dans les dernières conférences que je fais où je vois des agriculteurs qui viennent me voir en me disant « On sait que notre système, il est arrivé à bout. Il est fini, c'est difficile de changer, on va revenir sur la manière de changer, mais en tout cas, on est arrivé au bout d'un processus. » Et la meilleure preuve, c'est que les institutions officielles le disent aussi, c'est-à-dire que la FAO, que les gouvernements, que... y compris les syndicats majoritaires, n'ont plus à la bouche que agroécologie, même s'ils en déforment complètement le contenu, permaculture, circuit court, etc., etc. Après, il faut voir ce qu'ils en font. Mais en tout cas, ça, c'est un signe de reconnaissance que le système est arrivé à ses limites. Alors, dans ce contexte, comment on peut penser une autre stratégie, une autre transmission, et qu'est-ce qu'il faut transmettre ? Alors moi j'ai fait très simple, qu'est-ce qu'il faut transmettre, qui à qui et comment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut transmettre? Alors bien évidemment la terre. La terre c'est le lieu où le paysan vit, le paysan que le paysan entretient, ou qui le nourrit et qui nourrit le reste de la population. Donc la terre est centrale. Alors là on a un premier obstacle parce que comme vous le savez, ici et partout, hein, c'est généralisé, l'accès au foncier est quand même extrêmement difficile. D'une part, alors c'est vrai dans des endroits où vous avez une très grande inégalité de répartition des terres, hein, comme des pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Mais nous, le problème qu'on a ici, et on a ailleurs, c'est que la terre et les terres agricoles sont utilisées à d'autres fins. Et les fins d'utilisation des terres agricoles à d'autres fins, elle est considérable. Hein. Ça va être les projets inutiles, enfin, les barrages, les centres commerciaux, l'urbanisation, les infrastructures, etc., etc. De plus en plus de terres agricoles disparaissent. Il faut reconnaître, il faut le dire, parce que ça ne s'est pas suffisamment dit, que les pratiques d'agriculture industrielle détruisent les sols. Donc là, il va falloir récupérer des sols détruits par ce fameux système qui, soi-disant, est performant. En tout cas, en matière de terres agricoles, il n'est pas du tout performant. Donc il y a ça aussi. Et quand on sait que 75% de l'alimentation dans le monde est produite par des petits paysans sur 25% des terres agricoles, il faut absolument préserver les terres agricoles, les défendre et essayer qu'il y ait le plus de monde possible qui s'installe sur ces terres agricoles. Alors, et effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture industrielle détruit les sols. Seules des agricultures paysannes peuvent assurer la fertilité, l'ont assuré dans le temps et dans tous les projets qui actuellement de revitalisation des sols. On est en train de voir qu'il y a effectivement, ce sont les seuls qui permettent la fertilité du sol à long terme et donc de ce fait-là de nourrir l'humanité. Alors la terre, j'ai dit la terre, les savoirs et savoir-faire paysans. Alors, je rappelle quand même qu'ils ont été largement dévalorisés. Toute l'histoire de la transformation des paysans en agriculteurs, c'est de considérer que les paysans n'avaient pas de connaissances. Alors, je vous épargne les termes routinier, inapte, inculte, enfin, etc., etc. Sauf que maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que les instituts de recherche sont extrêmement friands de ces savoirs paysans, sont extrêmement friands des connaissances des paysans, parce que ils se sont rendus compte que ce savoir qui s'est construit dans le temps, qui s'est construit par l'observation, qui s'est co-construit par les échanges, ce savoir-là est extrêmement précieux pour répondre à toute une série de difficultés auxquelles on se heurte actuellement. Donc ces savoirs et savoir-faire, il faut absolument qu'ils rentrent dans le processus de transmission. C'est un savoir qui ne cherche pas à gagner des parts de marché, mais qui essaye de maintenir les outils de production à long terme, et qui essaye donc de faire vivre les gens et de nourrir l'humanité. Alors, et troisième chose, c'est un petit peu ce que Catherine appelle la militance, je dirais une autre vision du monde, c'est-à-dire cette transmission, elle doit reconsidérer la place qu'ont les paysans dans la société. Les paysans ont été marginalisés dans le processus de modernisation, de progrès social, etc., etc. Ils sont même passés... en perte et profit, la plupart du temps, on considérait que c'était fini. Je vais revenir sur comment ils sont loin d'être finis. Mais en tout cas, il faut les penser comme des acteurs sociaux importants et sur lesquels il faut compter si on veut avoir un avenir dans notre société. Ça, c'est très très important parce que on oublie souvent, ils ont été tellement marginalisés, tellement dévalorisés, je vais pas vous citer, mais les termes utilisés, enfin, il y a un processus tellement de marginalisation qu'il faut remettre les paysans au centre de nos sociétés. Enfin, moi, c'est en tout cas ce que je propose. Alors, à qui on transmet ? Alors, la colonisation dans les pays du Sud, l'industrialisation dans nos pays a détruit les paysans. C'est absolument vrai, le nombre de paysans a diminué, la part des paysans dans la population active a considérablement diminué, plus particulièrement dans les pays du Nord, ce qui est très important parce que ça, c'est aussi des savoirs et des savoir-faire qui se sont perdus. Hein, là, en France, par exemple, les premières maisons de retraite, on le sait peu, c'était pour mettre les vieux paysans. Et les vieux paysans, c'était quoi ? C'était des connaissances, c'était des savoirs, c'était des manières d'avoir un rapport à la nature qui était différent. Et on les a mis dans les maisons de retraite jusqu'à la mort. Donc on a un travail beaucoup plus difficile dans nos pays pour essayer de récupérer des savoirs et des savoir-faire que dans les pays du Sud, où il existe une paysannerie très active encore, qui a gardé ses savoirs et ses savoir-faire. Dans ce contexte-là, quand même, il faut reconnaître que on voit émerger, y compris dans le cadre tout à fait officiel, des changements. Alors, la première chose, c'est l'émergence de l'agriculture biologique. Alors là, je voudrais dire, parce qu'il y a les derniers chiffres de l'agence, je vais donner les exemples en France, mais parce que c'est très impressionnant, les derniers chiffres de l'agence bio française sur le développement de l'agriculture biologique sont particulièrement frappants, puisque en 2018, il y a eu 5 000 fermes bio en plus qui se sont installées. Et donc, 2 millions d'hectares qui sont en plus, rien que dans l'année 2018, près de 20 000 emplois nouveaux, et au total maintenant ça représente 14% en comptant production, transformation et commercialisation, ça représente 14% des emplois agricoles. Et la consommation, elle a augmenté de 15%, même si, rappelons-le, en tout cas en France, je ne sais pas en Belgique, 50% est vendu dans la grande surface de cette production bio. Hein. Donc il y a un problème sur lequel il faut réfléchir. Et en fait, cette montée de l'agriculture biologique signe effectivement, peut-être pas la fin, mais en tout cas une crise majeure du modèle industriel. Même si, on pourrait y revenir si on a le temps de parler un débat, il existe une bio-industrielle. Il ne faut pas se cacher. Et c'est justement là que rentre la notion d'agroécologie, parce qu'il ne suffit pas de remplacer des intrants chimiques par des intrants organiques pour essayer de construire une autre agriculture. Et c'est bien un bouleversement complet et du rapport au travail, et du rapport à la consommation, et du rapport à la commercialisation dont il est question ici. Par ailleurs, vous avez un phénomène de jeunes citadins, de jeunes, etc., qui veulent s'installer. Alors, moi, je donne toujours cet exemple parce que parfois, il n'est pas très connu. Il y a un mouvement qui s'auto-définit comme des jeunes européens sans terre, qui s'appelle Reclaim the Fields, qui est né, moi j'étais à leur inauguration en 2009. Et ce sont des jeunes qui veulent installer des jeunes dans l'agriculture et qui veulent un autre type d'agriculture. C'était impensable il y a 20 ans. Impensable il y a 20 ans. Yo quiero bailar, yo quiero ser. des jeunes qui veulent installer des jeunes dans l'agriculture et qui veulent un autre type d'agriculture. C'était impensable il y a 20 ans. Impensable il y a 20 ans. Donc il y a un mouvement. À mon avis, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à faire le changement. Mais il y a d'autres choses. Vous avez des jeunes qui sont souvent issus de milieux d'agriculture conventionnelle, qui se rendent bien compte des limites du système et qui essayent de changer, voire qui changent. Vous avez des agriculteurs de type conventionnel qui, pour des raisons d'opportunisme économique ou pour des raisons de santé, ou pour tout simplement retrouver le métier de paysan, qui aussi sont prêts en tout cas à changer. Le problème, c'est que c'est très difficile. On pourrait y revenir si on a un débat. C'est extrêmement difficile de passer d'un système conventionnel à un système différent d'agriculture agroécologique, tout simplement parce que les savoirs ne sont pas diffusés, tout simplement parce que vous avez un degré d'endettement, un degré de prise dans le système qui est extrêmement grand, aucune aide bien évidemment, ou très peu, c'est minime par rapport aux risques qui sont courus. Donc là, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, à réfléchir pour travailler aussi en direction de gens donc, qui se sont rendus compte de la limite du système et qui sont peut-être prêts à en changer. Alors comment ? Alors partout, on assiste à des multiplications et dans les systèmes officiels et officieux de formations de tout genre. À permaculture, agroécologie, biodynamie, agriculture naturelle, enfin, etc., etc. Très souvent, c'est centré sur la formation technique et technologique. Il faut dire qu'on a une fascination pour la technique et que c'est très facile la technique, c'est apolitique, c'est neutre, entre guillemets. Donc c'est beaucoup plus facile de s'intéresser à ça que d'essayer de voir quelles sont les conditions, parce que c'est pas simplement un changement technologique qu'il faut, mais il faut qu'un contexte politique et social soit modifié pour qu'on puisse faire autre chose que ce qu'on fait ou que de l'agriculture, que de la bio-industrielle. Alors pour ça, il y a quelque chose quand même qui est intéressant et qui est porteur et qui est peut-être un outil de transformation sociale, c'est l'émergence depuis une vingtaine d'années de mouvements paysans. Donc, le principal, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais je vais vous rappeler qui c'est. Donc, c'est un mouvement qui s'appelle Via Campesina, qui est né en 1993 en Belgique, à Mons, pour des raisons un peu historiques, un peu spéciales, dans laquelle vous avez d'ailleurs trois syndicats belges qui sont membres. Donc, le MAP, qui est présent, la FUGEA, et puis un tout nouveau, là, alors je ne vais pas pouvoir le dire, hein, un syndicat flamand, Brunnenforum, voilà. Désolée, mais en plus, je viens de l'apprendre et je suis très contente qu'il y ait. Voilà. Mais au total, il faut que vous sachiez que c'est 250 millions de. C'est le plus grand mouvement social au monde. Alors, c'est assez intéressant parce que, à un moment où vraiment les paysans étaient considérés comme plus rien, ils, comme je dis, se sont invités au banquet de la mondialisation, ils sont là, ils sont présents. Ils sont en train de. Ils disent deux choses. Ils disent la première chose, nous voulons continuer à être paysans et que nos enfants le soient, et nous mettons l'accent sur notre vocation nourricière. C'est-à-dire, ça c'est très important parce que c'est, encore une fois, c'est quelque chose de, entre guillemets, nouveau par rapport au discours qu'on entendait il y a 20 ans. Donc ce mouvement, il regroupe 250 millions de gens dans le monde, de membres, 182 organisations, 81 pays. Ils regroupent des petits paysans, des paysans sans terre, femmes rurales, peuples autochtones et pêcheurs. Il y en a partout, dans le monde entier, et ils font deux choses. Ils luttent et ils proposent. Alors les luttes, bien sûr, les luttes pour... Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer les succès et comment ils pensent, eux, la transmission. Parce que moi, je pense qu'à partir du moment... On peut toujours discuter. On peut toujours discuter, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais à partir du moment où vous avez un mouvement social de cette importance-là, encore une fois, le premier mouvement social au monde, hein, plus fort que les internationales syndicales industrielles, plus fort que les grands mouvements associatifs d'environnement, etc. Un mouvement qui a un objectif précis, qui lutte et qui propose, on a là un outil majeur et unique de transformation sociale. Parce que tant qu'on parle, on parle, mais quand on est en train de voir des gens qui sont en train de faire et concrètement et qui aboutissent à des résultats, on est vraiment dans un autre registre. C'est ça que je voudrais faire passer. Alors, les luttes et les combats qu'ils mènent, ils ont obtenu des choses. Alors, bien sûr, la terre. Alors, les luttes pour la terre, elles sont très anciennes, notamment dans les pays, j'ai dit tout à l'heure, où vous avez des inégalités de répartition, comme le Brésil. Alors là, je vais donner un exemple, bien sûr, au Brésil, qui est le mouvement des sans-terres du Brésil, qui a réussi à installer 350 000 familles sur 8 millions d'hectares. Ce n'est pas du tout négligeable, c'est très important. Bien sûr, avec ce qui se passe au Brésil, je ne sais pas du tout, je sais que le mouvement des sans-terres a des problèmes, et je ne sais pas du tout quel va être l'avenir de ces territoires, mais en tout cas, c'est un exemple d'une lutte importante qui a donné des résultats. Mais il n'y a pas besoin d'aller au Brésil. Je vais vous donner d'autres exemples qui ne sont pas forcément des Via Campesina, parce que et vous avez d'autres mouvements qui se sont créés. Bon, dernièrement, je suis allée en Italie, à Florence. Il y a un groupe, près de Florence, un groupe qui s'appelle Monteggi Bene Comune, qui est ce sont des jeunes qui ont occupé des terres, 200 hectares, qui appartiennent à la ville de Florence, qui ont cultivé 9000 oliviers, une vingtaine de vignes, qui sont totalement auto-organisés, qui travaillent avec la population de Florence et qui essayent de mener à bien ce projet agricole. Vous avez eu beaucoup de luttes contre les grands projets inutiles. Je vais encore donner l'exemple de la France avec Notre-Dame-des-Landes. Le processus n'est pas terminé, mais il y a eu des succès. Donc il y a partout, des luttes pour maintenir les terres. Bon, actuellement en France, il y a aussi Europa City, là, dans les Gonesse, qui est un grand projet un grand projet de Eurocenter, enfin ce genre de machin touristique, etc., qui a échoué sur le plan juridique. Maintenant, ils sont allés en appel, et c'est la mobilisation, et c'est une mobilisation qui ne concerne pas les seuls paysans, puisque vous avez une solidarité d'autres gens, des gens de la population, qui se rendent bien compte qu'il y a un enjeu important autour de cette question des terres. Vous avez d'autres exemples, bien sûr, pour les semences. Alors, on ne peut que citer les luttes qu'on a menées dans tous nos pays contre les OGM, et qui ont fait que les gens comme Monsanto, maintenant, sont stigmatisés dans le monde entier. Et c'est bien parce qu'on s'est battu, c'est bien parce que les paysans se sont battus pour essayer, avec d'autres gens, pour essayer de bloquer, de bloquer les OGM, même si on voit que ça, on les vire par la porte, ils rentrent par la fenêtre avec la transgenèse, etc. Mais il y a quand même des choses importantes. Les paysans ont mis en place des réseaux de semences paysannes. Encore une fois, c'est la seule chose qui va nous assurer la biodiversité dans un cadre de changement climatique. Parfois, ils l'ont fait à la limite de la légalité, parce que les catalogues imposent absolument de passer par un système complètement normalisé et privatisé. Donc ça, c'est très important, c'est des enjeux très importants. Ça fait partie aussi du processus de transmission. Un autre aspect qui me semble important et qui est complètement d'actualité, c'est la libéralisation des échanges. La libéralisation des échanges, c'est ce qui a permis à des paysans de se retrouver concurrents les uns des autres. Entre un paysan de l'Afrique et un paysan américain, vous voyez bien qu'au niveau de la productivité, du soutien des États, etc., c'est totalement inégal. Donc la lutte pour la libéralisation, contre la libéralisation des échanges, par rapport à ça, il y a deux stratégies. Une stratégie locale qui consiste à mettre en place des circuits courts de production et de consommation locale, et puis cette notion de souveraineté alimentaire, dont je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est et qu'est-ce qui la distingue de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous voulez que je vous la redéfinisse ou ouais, bon. La sécurité alimentaire, c'est une notion un peu officielle, celle de la FAO. Bon, je ne vais pas vous donner la définition exacte, je vais juste vous expliquer, ce sera plus simple. C'est de considérer que finalement, tout être humain sur la Terre a le droit d'avoir une alimentation saine lui permettant de vivre. L'origine de cette alimentation n'est pas définie. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez importer 100% de votre alimentation, vous avez votre sécurité alimentaire. La souveraineté alimentaire, là par contre je vais vous donner la définition, est une notion qui a été apportée à Rome, justement à contre-sommet de la FAO en 1996. Celle-là je vais la donner, la dernière définition, je vais vous la donner quand même. À la fin je vous expliquerai pourquoi c'est important. Alors, le droit des peuples à une alimentation saine dans le respect des cultures, produite à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. Vous voyez que là, on n'est pas simplement dans le registre de la consommation, on est dans le registre de la production. C'est-à-dire le droit pour les peuples de produire leur alimentation, de choisir leur système alimentaire. Et quand on sait les stratégies des grandes multinationales qui essayent d'homogénéiser tous les systèmes de consommation à l'échelle mondiale, qu'ils appellent ça la transition alimentaire, donc vous voyez bien que là, il y a des enjeux tout à fait importants. Et cette notion-là, là, je ne veux pas de photo, je suis désolée, je ne veux pas être photographiée, merci. Je vois le flash là. Donc voilà. Alors donc cette notion-là, c'est une réponse. Alors, il ne faut pas se cacher que c'est difficile à mettre en place et que vous avez des États qui l'ont même mis dans leur constitution, mais qui ont beaucoup de mal à le faire parce que, justement, on est dans une société de libre-échange. Et le fait que le CETA vienne de passer, que le Mercosur, enfin en tout cas en France on l'a voté, même si la Wallonie a résisté, ben, malgré tout ça passe, le Mercosur est aussi en train d'être négocié, ça, c'est très très très difficile de construire dans ces conditions-là. Et la plupart des États, des pays, y compris du Sud, sont quand même assez... Parce qu'en fait, ce qui se passe, il faut reconnaître que tous ces traités de libre-échange sacrifient l'agriculture. En fait, les États qui négocient ces traités de libre-échange, ce qui les intéresse, c'est qu'on ouvre leur marché à l'industrie et aux services. Et ils sont prêts à faire des concessions sur l'agriculture en échange d'ouverture de marché sur l'industrie et les services, et les finances, etc. Donc là, il y a un enjeu tout à fait important de rappeler que les traités de libre-échange sont une véritable menace pour les paysans et pour avoir une agriculture autonome et pour avoir sa souveraineté alimentaire. Alors, donc... Culture biologique garantie, sans apport de produits d'engrais. Oui. Si vous voulez venir voir ici à l'arrière, on est en train d'atteler un cheval. Donc ici le cheval qu'on est en train d'atteler, si vous voulez venir voir par ici si ça vous intéresse. Le cheval est attelé à une machine qu'on appelle un bûcheur. Cette machine a été inventée dans les années 1900-1930, qui a continué à perdurer dans le temps et qui a été modernisée au fil des années. C'est un porte-outils. Donc c'est une machine qui permet de porter plusieurs outils. On peut faire quasiment tous les travaux agricoles avec cette machine. Cette machine est reliée au cheval par deux bois qu'on appelle des brancards, qui sont enfoncés dans des porte-brancards et sont en train de mettre la sous-ventrière pour solidariser le brancard au cheval. Chaque pièce de l'harnachement porte un nom. Le nom actuel du cuir qu'on est en train de manipuler s'appelle la sous-ventrière. La petite selle qui est sur le dos du cheval s'appelle la sellette. La partie qui passe sous la queue s'appelle le culoron ou la queutière. Et actuellement, sur le bûcheur, sur le porte-outil, est montée une machine pour arracher les pommes de terre. Voilà, il termine le sanglage du cheval. Il va relier la machine avec les traits sous le collier, en passant par les porte-traits. Voilà, il passe par le porte-traits et on le boucle sur le collier. C'est vraiment ça qui transfère la force du cheval à la machine et non pas les brancards comme on aurait tendance à le croire. Si vous remarquez aussi le cheval au niveau de sa bouche, donc il a un mors, c'est une bride de travail, sous laquelle il y a une gourmette, une petite chaîne, qui permet très respectueusement d'écraser, enfin de rappeler au cheval qui on est, et d'écraser la langue avec la mandibule inférieure, avec la mâchoire inférieure. Tout ça dans le respect. On mène le cheval du bout des doigts, ce n'est pas une contrainte physique, légère. Donc maintenant il prend son cordeau, ça s'appelle une lignette exactement. Il prend la lignette, il va commander le cheval à gauche ou à droite, toujours avec les ordres RUE, je ne sais pas lequel il va prendre. Il marche donc. Mmh. Donc là, on est dans l'ordre A. A, A. Oh, il est beau. Marché. Oui. Magnifique celui-là. Oui. Donc le cheval s'appelle Crac et le meneur Olivier. Le cheval est un croisement d'un Ardennais avec un Franche-Montagne. Donc il va prendre la ligne, le cheval se met dans la ligne du côté gauche de la ligne. Ils vont baisser la machine pour prendre la ligne. Vous venez d'entendre un fragment de la démonstration organisée par les meneurs. Comme vous avez compris, il s'agit de meneurs de chevaux de trait. La relation entre l'être humain et les autres êtres domestiqués est bien complexe. On entend dans le fragment que le commentateur est conscient de cette complexité, notamment quand il parle du mors du cheval, un instrument qui permet au meneur de faire sentir au cheval qui est le maître. Nous allons revenir là-dessus plus tard dans le reportage quand il s'agira de l'abattage. Mais d'abord une musique. Thank you. peut-être quelques mots du coup sur la formule. Oui, ben, je vais vite me présenter d'abord aussi. Hein. Donc moi c'est Damien, je travaille pour Quinoa, qui fait partie, comme t'es en vue, d'Agroecology in Action. Et donc c'est comme ça que je connais David, qui m'a dit, tiens, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour faciliter cet atelier-ci. Donc mon rôle, ce sera plus de faire en sorte que les personnes qui souhaitent prendre la parole puissent la prendre, mais sans trop déborder non plus, pour laisser le temps à celles qui n'ont pas encore pris la parole de pouvoir avoir accès aussi au micro. Alors, vous l'avez vu, le dispositif est un petit peu particulier. Il y a 5 chaises vides au milieu de la pièce, j'espère qu'elles ne resteront pas. On va fonctionner avec un dispositif qui s'appelle le bocal à poisson. Alors comment est-ce que... C'est un peu une adaptation du bocal à poisson. Donc là, pour le moment, vous êtes le bocal, assise en rond, plus ou moins le rond que l'espace nous permet en ovaloïde autour de nous. Et il y a pour chacun des 3 temps, 4 intervenants et intervenantes qui vont venir prendre place au milieu. Il y aura donc une chaise vide. On va leur poser une question. Ces personnes vont commencer à répondre et puis, évidemment, la discussion va se développer. La marche. Ah, la marche arrive, bon, on va faire ça à la marche. Bon, on va attendre avant de continuer. Hein. On vous encourage à les encourager. Le début de la grande rencontre de samedi sur les défis pratiques de la transmission d'une ferme, une discussion portée par Terre en Vue, a été interrompu par l'arrivée de la marche pour une Wallonie hospitalière. Du coup, je suis parti avec les migrants et j'ai raté une partie de la rencontre. Heureusement, le dimanche matin, il y avait une restitution des rencontres de la veille. Donc l'idée maintenant, c'est juste de permettre de donner la parole à chaque rapporteur pour faire un mini récap en 3 points. On a insisté sur 3 points pour que ce soit assez concis, qu'on passe pas parce qu'on va pas refaire les conférences ici évidemment. Donc en 3 points. Et puis par contre, vous passez la parole s'il y a d'autres choses qui pour vous étaient essentielles, qui n'ont pas été mentionnées, que vous puissiez aussi voilà, partager ce que vous avez appris à ceux qui n'étaient pas présents à ces différentes conférences-là. Ok, merci bien. Donc j'ai l'honneur de vous faire un petit récap de ce qui a été dit au niveau de l'atelier transmission des fermes agricoles. Bon, je vois que ça intéresse plusieurs personnes parce que c'était vraiment très intéressant. Et on avait quand même, ça a duré autour de 14h30, on avait tout le monde. On avait dans le public et des CEDA et des potentiels entrepreneurs. Alors l'atelier a été conduit principalement autour de 3 points et il y a eu un dispositif du bocal à poisson qui a été utilisé afin de motiver tout le monde à participer au débat. Alors le premier point c'était concernant les CEDA, là où on avait intitulé « Seul face à la transmission ». Donc on retiendra de ce premier point que la transmission fait peur, mais elle demeure un passage obligé. Alors, peur par rapport à un certain nombre de points, notamment une peur qui peut être culturelle, du fait qu'on ne pourra pas accepter, on n'aimerait pas accepter que l'autre fasse autrement. Il y a la peur, la charge de travail élevée qui est également revenue. Donc, les fermes qui sont peu viables et également les enfants qui n'ont pas forcément envie en fait, de mener la vie en fait, du cédeur. Alors face à cela, il y a des options, des expériences qui ont été partagées par rapport au fait de céder à la famille ou à une tierce personne, mais qui sont surtout basées sur le saut de la confiance, de l'amitié, et surtout d'accepter en fait, que l'autre puisse faire autrement. Alors le deuxième point, c'est par rapport à repreneur. Donc il y a eu essentiellement des gens du FGA, du FUGA, du CRAPS quand même, qui sont des associations, des initiatives qui ont, en tout cas dans leur démarche, proposé des offres de renforcement de capacité de ces nouveaux l'acquéreur, de mise d'un réseautage et également en tout cas d'une organisation, d'une planification en fait pour les jeunes qui pourraient en fait rentrer en fait, prendre la gestion d'une ferme agricole. Ils ont également insisté sur la motivation de ces jeunes, savoir les motiver, inventer de nouvelles pratiques pour rendre les fermes plus viables et également les agriculteurs plus libres. Alors, pour le troisième point, on s'est recentré essentiellement sur les obstacles concrets de la transmission. Et là, on est revenu sur un certain nombre d'obstacles, dont la première était l'accès à la terre, qui était quand même un obstacle recensé par plusieurs personnes. Le deuxième point, c'est les aspects administratifs. On disait qu'ils mettaient une pression énorme sur les agriculteurs au point de démotiver en fait les potentiels repreneurs. Et on est revenu également sur le manque de rentabilité, une législation, ça c'est au niveau wallon quand même, qui était assez variable, qui concluait en tout cas, amenait en tout cas une charge super importante sur les agriculteurs. Alors, à la fin, on a eu à se poser la question que malgré ces différents obstacles, qu'est-ce qui pouvait en fait motiver toujours ces producteurs? Et on a eu vraiment de beaux témoignages. C'est essentiellement l'amour de ce travail, la passion qui recouvre ce travail et éventuellement l'évolution de cette agriculture avec les circuits courts et surtout le regard de plus en plus positif en fait des autres sur l'agriculture, sur les différents mouvements paysans. Donc voilà de façon synthétique ce que j'ai retenu en espérant qu'il y ait du monde. Donc là, c'est vraiment d'autres échanges. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Simplice. Super. Et applaudi par l'Assemblée, c'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Voilà, moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'étais pas là, c'était un atelier très émotionnel. Qu'il y avait beaucoup de partage fort qui avait été fait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient rajouter quelque chose? Ouais. En fait, moi, je n'ai malheureusement pas pu y participer, mais je me demandais si vous aviez abordé l'aspect de la solitude ou pas des paysans. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi de récupérer seule une ferme? Est-ce que ce n'est pas plutôt des communautés qui devraient récupérer des fermes? Est-ce que ça a été discuté? Oui, ça a quand même été discuté. Enfin, moi, j'ai insisté parce qu'il y avait. Ah, ça va, ça marche? Oui, ça marche. Mais colle-le à ton menton. Il y avait plusieurs agriculteurs qui parlaient de la passion. Il y en a même un qui dit oui, pour moi, j'ai d'abord travaillé à l'extérieur. Et puis quand je suis devenu paysan, j'ai arrêté de travailler. Alors, donc comme quoi l'agriculture, c'était comme un jeu. Ça va, je vais le tenir comme ça. J'ai quand même dit que le fait qu'il y ait cette charge de travail, surtout dans l'élevage, c'est quand même quelque chose d'un peu inhumain. Et que la seule solution, ce serait quand même les communautés qui puissent porter l'élevage. Mais à mon avis, c'est vrai aussi du maraîchage. Mais c'est quelque chose qui pour moi a été trop peu peut-être discuté parce qu'on est en Wallonie et qu'on est encore peut-être trop individualiste par rapport à certaines régions du monde où ils ont compris qu'il y a cette nécessité. Que voilà. Enfin, on va peut-être pas parler trop longtemps de ça. Si on est parti. Pour répondre un peu à ta question, peut-être indirectement aussi, moi je trouve que, contrairement à ce que Louis dit, je trouve qu'on n'en a pas trop discuté, peut-être parce que la troisième partie s'est fort axée sur la reprise des fermes familiales, donc il y a eu des merveilleux témoignages, et on n'a pas beaucoup parlé, par exemple, d'une réalité qui est la mienne, qui est en fait de s'ouvrir à des personnes qui ne sont pas de notre famille, mais avec des personnes qui ont envie de cultiver la terre et qui ne sont pas du milieu paysan. Et donc, c'est vrai que c'est une énergie qui est différente et souvent, ces personnes ont envie de vivre en collectif. Et ça n'a pas, pour moi, pas assez été discuté, mais comme dit Louis aussi, bon, on ne pouvait pas parler de tout. Hein. Voilà. Alors oui, je vais enchaîner, vous faire la restitution de l'atelier organisé par le collectif Aller, l'habitat léger en Wallonie, sur le rôle de l'habitat léger dans... dans la reprise d'une ferme, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de repreneurs, peut-être plus souvent des Nîmois, les non issus du milieu agricole, qui ont, quand ils veulent reprendre des fermes, doivent s'installer hors de l'habitat normal et du coup décident d'opter pour un habitat léger. Et le collectif Allais, qui existe depuis une dizaine d'années, qui sera ici aujourd'hui, ils étaient là hier, ils sont ici aujourd'hui représentés par la ferme du Nord, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ils étaient déjà l'année passée ici à la petite foire, ils tiennent un stand, donc ils vont vendre leurs légumes. Et donc c'est Simon et deux autres personnes du collectif qui sont venus nous parler de ce que fait le collectif. En particulier, l'an passé, il y a eu une réforme du code wallon de l'habitat. Et donc ça a amené à la reconnaissance, dans les textes en tout cas, dans ce code de l'habitat léger. Mais cette reconnaissance uniquement dans le code wallon n'implique pas encore une modification évidente, on va dire, des pratiques de la reconnaissance ou pas de l'habitat léger dans les différentes communes de Wallonne. Et donc, il y a des points, quelques points. Donc le collectif a fait l'an passé une étude juridique, justement, qui est, je vous la montre, parce que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la chercher à la ferme du Nord, donc il tient un stand ici. Donc reconnaître l'habitat léger en Wallonie, une étude qui a duré un an et dans laquelle ils ont un peu cherché les points essentiels à savoir si vous avez envie, vous avez l'intention de vous installer en habitat léger. Ce que moi j'ai retenu, c'est de manière générale le rôle des voisins déjà. Donc si vous décidez de vous installer en habitat léger quelque part et que vous avez... le risque principal, c'est que vous ayez une plainte par des voisins, et quiconque, vous n'êtes pas obligé d'être voisin juste à côté de l'habitat léger pour pouvoir vous plaindre de l'installation d'une habitation, donc ça c'est quelque chose d'important. Et dès lors qu'il y a une plainte, en fait la commune est obligée d'en informer la région, donc c'est la région qui devient compétente à partir du moment où il y a une plainte. Moi je ne le savais pas, je trouvais que c'était intéressant. Le collectif est habitué et vous encouragera à jongler entre les différents niveaux juridiques. Vous avez le niveau communal, vous avez le niveau régional. Et ce qui est marrant, on est en Belgique, mais donc le fait de vous domicilier quelque part, imaginons vous installer une yourte dans un terrain qui ne vous appartient pas, vous pouvez néanmoins vous domicilier, parce que la domiciliation est une compétence fédérale. Donc voilà, dans le cas d'une jeune agricultrice qui pense s'installer à Bruxelles, le collectif lui conseille de s'installer sur le terrain et puis ensuite se domicilier pour un peu mettre la commune face au fait accompli. Et enfin, et je terminerai avec ça, le collectif est très habile à aller chercher des notions et à utiliser les termes juridiques, et donc vous encourage, si ça vous intéresse, à utiliser les termes juridiques qui existent dans les différents codes. Et par exemple, la notion de gardiennage. Donc si vous vous installez il donnait l'exemple d'un maraîcher, vous pouvez vous installer sur un terrain isolé et justifier d'une installation en habitat léger par le fait que vous devez contrôler votre production et par exemple assurer l'irrigation. Donc ce sont autant de termes techniques, autant de procédures dont ils ont l'expérience et qui peuvent vous aider à mettre en place. Est-ce que, vu que je sais que certains d'entre vous étaient dans l'atelier, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions, très bien. Je ne sais pas si tout le monde dort ou si tout le monde est satisfait. Ça, attends, j'ai une question. Donc, en tournant, ouvrir les forêts publiques à l'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors précisément, moi j'étais pas là au moment où ça s'est discuté, mais ce que m'a expliqué la personne qui portait l'atelier, c'est que c'est permettre aux paysans de pouvoir cultiver au sein des forêts et générer par exemple, travailler l'agroforesterie et ce genre de choses, et vraiment le développer en symbiose avec les forêts. Et faire pâturer notre troupeau? Oui. Et par rapport à faire pâturer notre troupeau dans la forêt? Parce que c'est pas reconnu comme zone agricole, donc par exemple moi j'ai un troupeau de 30 chèvres, pour leur apporter de la phytothérapie, enfin des plantes sauvages, je vais me promener en bordure de forêt, j'avance, je ne fais aucun dégât, mais je suis en totale illégalité quand je fais ça. Et pourtant, c'est un apport vraiment essentiel. Et en plus, bah, l'accès à la terre étant difficile, et là, en période de sécheresse aussi, c'est vrai, mais on ne peut pas. Oui. J'imagine que ça recouvre ça aussi, mais il aurait fallu que Astrid soit là. Mais je pense que ça recouvre aussi ce genre de choses au niveau des discussions, oui. Que la forêt devienne un vrai allié et qu'elle permette aux paysans de pouvoir travailler dessus. Peut-être rappeler l'objectif de cet atelier qui était de réécrire les 17 ODD pour les conduire l'année prochaine à Genève, oui. Lors de la marche de Jayakaka. Donc on a lancé ce travail pour arriver jusqu'à Genève et déposer ça au siège des Nations Unies. Ok, on passe à... Il y avait juste une question à l'intervention. Je me demandais juste en fait par rapport à l'ouverture des milieux comme la forêt, est-ce qu'il n'y a pas un risque de justement de perturber les milieux sauvages? Je pense aux chèvres notamment, si je me dis si elles mangent les bourgeons des arbres, après je sais pas, peut-être que c'est. Je me trompe. Bernard, tu pratiques ça depuis longtemps, toi, avec tes chefs, tu peux peut-être répondre en quoi est-ce que ça perturbe. Au départ, on a eu beaucoup de difficultés de faire valoir notre volonté de faire brouter les chèvres. En fait, il faut... Oui, c'est assez complexe. Et le résultat est que maintenant, nous avons été... refoulé, on a eu des PV, on s'est fait vraiment engueuler. Les eaux et forêts, enfin, le DNF n'est pas commode dans ce sens-là, puisque c'est un patrimoine commun, mais il n'est pas à la disposition quand même du paysan. Et ce à quoi on est arrivé après des décennies de pratique finalement, c'est de trouver des accords avec des propriétaires privés. Nous, on est dans des régions très enrésinées et... la chèvre de troupeau joue un peu le rôle de débroussailleuse. Et là, bon, moi j'aimerais bien que tous les sapins disparaissent, c'est pas un problème, mais on évite quand même de les... Et donc le passage des chèvres entre les lignes de sapins, pas à n'importe quel moment, évidemment pas quand ça vient d'être piqué, c'est une bonne alternative, c'est même une belle solution pour les propriétaires terriens, mais ils sont rares, quoi. Mais nous avons parvenu quand même à réaliser cet exploit. Et les chasseurs sont souvent. Et du coup, la question, c'est effectivement de pouvoir le faire dans certaines règles qui permettent de préserver quand même la forêt, quoi. J'imagine qu'il y a un entre-deux qu'il faut pouvoir trouver. Et peut-être pas dans des espaces totalement sauvages, mais peut-être des cultures ou des forêts qui sont plus à d'autres destinations, quoi. Oui, il faut rappeler que c'est une balade, c'est itinérant, donc on ne fait pas d'enclos dans la forêt. Et ça se fait aussi beaucoup avec les brebis dans certaines régions en France. L'apport de, par exemple, pour les feux de brousse, la brebis qui pâture dans les Alpes de Haute-Provence est très très importante parce qu'elle empêche justement les herbes sèches à trop se développer et éviter les feux de brousse. Et je crois qu'ici, nous on est dans une zone où il y a pas mal de réserves naturelles et que la DNF fait un travail avec les chèvres et commence à connaître le travail des chèvres, des bœufs et des moutons. Et qu'il y a, je pense que c'est plus une peur. Mais par contre, je trouve que ce qui est important, c'est de gérer sa forêt. On sait que la chèvre mange beaucoup de bourgeons, qu'elle adore ça, et donc elle va faire empêcher la régénération naturelle de la forêt. Mais dans les zones où on désire avoir régénération, il ne faut pas pâturer les chèvres. Par contre, dans des zones où, très vite, dans des zones où on sait que la régénération elle est là et qu'il y a peut-être un autre travail d'élagage, de diminuer la pression, là, elles font un très très bon travail. Et je crois que c'est vraiment cette collaboration entre forestiers et éleveurs qui peut être très très intéressante pour tout le monde. Super. Je vais juste proposer qu'on passe du coup à la restitution suivante. Somos marionetas. Vamos, vamos, vamos. Mira para abajo, para arriba, que maneja nuestra vida. Vamos. hacia el norte, hacia el sur. Compás, te veo entre la luna y el sol. Vamos, vamos, vamos. La rabia en el vientre, la luz en el alma. Vamos, vamos, vamos. Somos arena en la máquina, aceite en el fuego. Vamos, vamos, vamos. Planta en nuestro barrio y destruye el concreto. Vamos, vamos, vamos. Hasta la libertad. Sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Compás, te veo entre la luna y el sol. Compás, sin rumbo hacia el norte, hacia el sur. Compás, te veo entre la luna y el sol. Je vais passer la parole maintenant à Marc, donc Marc de la ferme du Haillon, qui est éleveur lui aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette démarche, toi, t'intéresse comme éleveur ? Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Il fait noir, mais... je dirais que c'est... quand on est... Voilà, mon lien à l'animal... j'ai principalement des vaches et des bœufs et des veaux, enfin une famille, quoi. Un troupeau, c'est de bien le nourrir, qu'il puisse être bien. Donc, je dirais d'abord c'est le troupeau. Et les animaux ne sont pas beaucoup moins individualistes que nous. Ils vivent en hiérarchie et ils vivent en troupeau. Et j'ai compris dernièrement en vivant avec ce troupeau, j'en fais partie, hein, je suis l'éleveur, ces animaux comprennent que ma ferme a une limite, que leur souhait c'est de se multiplier. Une vache elle est malheureuse si elle ne peut pas faire de un veau par an. Son plaisir chez moi on ne traite pas, donc c'est elle allaite leur veau. Et j'ai eu le cas une fois d'une qui n'a. Le veau est mort à la naissance, suite probablement à la langue bleue, il y a quelques années. Et bien, cette vache a été malheureuse toute l'année. Je l'ai vraiment sentie triste de cette mort, de ce veau, et qu'elle n'a pas pu le faire grandir elle-même. C'est aussi une vache qui était une de mes meilleures mères, dans le sens où. Elle l'accompagnait, elle empêchait quelque part le veau d'aller jouer avec les autres. Elle le tenait, en tout cas à certains moments, quand il partait en broutage, manger l'herbe, son veau était toujours à côté d'elle. comme si elle lui expliquait les bonnes herbes à manger. Et ça, voilà, c'est une observation. Il me s'est dit, tiens, c'est intéressant de se rendre compte comment certaines sont beaucoup plus éducatives que d'autres qui, elles, vont brouter, elles vont se débrouiller, jouer avec les autres sans vraiment suivre ou être éduquées par la mère. Et j'ai aussi constaté que ces veaux, à elles, étaient souvent plus gros à la rentrée de l'hiver, avant l'hiver, que les autres. Donc il y avait quand même quelque chose qu'elles transmettaient. Et de ce fait-là, ce troupeau, à un moment donné, il sait qu'il va devoir, il va être en surnombre. Ma ferme ne va pas pouvoir nourrir tous les animaux. Et donc, pour eux, c'est d'une évidence qu'il y en a qui vont partir. Et dans mon cas, dans cette ferme, les mâles sont castrés à 10 mois. Et ensuite, ils sont élevés avec les femelles jusqu'à l'âge de 3 ans, plus ou moins, 2 ans et demi, 3 ans, où là, après le troisième pâturage, à l'automne, on décide donc de les tuer pour en faire de la bonne viande. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils sont, je dirais, dans un état, je dirais que l'herbe du printemps est une herbe qui fait grandir, on les voit vraiment s'élancer vers le haut, comme on peut dire. L'herbe de l'été muscle et l'herbe de l'automne les engraisse. Et en fait, chez tous les animaux sauvages, c'est la même chose. L'herbe de l'automne, c'est la saison automnale, permet, entretient un gras dans la viande qui va faire que l'animal va pouvoir passer l'hiver. Faire ses réserves pour l'hiver qui est une période de disette où on n'aura pas la même nourriture, on aura moins de nourriture, etc., plus maigre, une nourriture moins riche, plus riche, pardon, moins riche. Et qui fait que... au printemps, on va retrouver des animaux maigres, les réserves vont être épuisées. Surtout chez le sanglier, chez le chevreuil, chez le cerf, c'est bien connu, quoi. Nous, comme on les nourrit à l'étape, c'est pas toujours la même chose, mais il y a quand même ce côté, cet instinct et cet équilibre dans la nature. Et voilà en quoi et ces bœufs qui, à un moment donné, sont toujours dans le troupeau, vont être un peu écartés à un moment pour les préparer à l'abattage. Et c'est un moment assez intéressant de voir comment ils vont accepter. Pour moi, il y a comme une acceptation de dire, ben oui, c'est à notre tour. Si je pouvais parler avec, je leur demanderais au troupeau, c'est laquelle de vous qui part demain parce que vous êtes trop nombreuses, elle pourrait... à la limite, presque choisir elle-même. En tout cas, ça pourrait nous aider à être encore plus dans un rapport correct, parce que je pense qu'elles le savent, elles savent qu'elles doivent partir. Et j'ai vécu ça avec une vieille vache qui, après 17 ans, a eu des difficultés à nourrir son veau. 17 ans pour une vache, c'est très vieux déjà. Et elle n'arrivait pas à nourrir son veau, et je la mets en prairie avec son veau, et son veau avait été nourri aussi par une autre vache. Et donc, au printemps, l'herbe est très riche, et je mets une boule de paille à sa disposition pour équilibrer sa nourriture. À ce moment-là, je devais partir à l'étranger, faire un achat quelque... et en revenant, quand j'étais là-bas, mon fils s'appelle en disant « Marc, il y a Infini, elle s'appelle Infini ». Et Infini est morte. Et quand je suis revenu, je l'ai vue, elle allait quatre fers en l'air. Je me suis dit, oulala, c'est bien sûr une interprétation, mais j'ai ressenti comme si c'était un suicide. Cette vache n'a pas compris, ou a peut-être eu du mal à ce qu'on la garde aussi longtemps en vie. Elle a vu naître plus de 100 des veaux de la ferme, elle les a vus grandir, elle les a vus partir, et elle se posait la question, enfin c'est mon interprétation, mais c'est quand mon tour? Et ça m'a vraiment interpellé de me dire, est-ce qu'on ne va pas trop loin en voulant garder des animaux plus qu'il n'en faut? C'était un peu un test, parce qu'on m'avait, c'est une végétarienne qui m'avait dit, mais Marc, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas mourir de temps en temps une de tes vaches de leur belle mort? Et bien pour moi, ça n'a pas été une belle mort, cette mort-là. La belle mort d'une vache, je pense que c'est aussi de pouvoir donner, comme elles donnent leur lait, donner aussi sa viande et qu'elle soit utilisée à nous plutôt que de être à la déchetterie ou partir comme ça. Voilà mon ressenti, mon expérience d'éleveur dans cette histoire de, je dirais, d'abattage, comment abattre correctement un animal. Et aujourd'hui, quand je conduis mes animaux, je leur dis, parce qu'elles comprennent nos intentions, elles savent, si elles comprennent nos intentions, elles le savent, autant être franc avec elles, clair, et d'exprimer, dire, ben maintenant c'est ton tour, merci pour notre relation, je dirais, les 3 ans, ou les 5 ans, ou les 15 ans que j'ai vécu avec toi, tout ce que tu as pu, c'est un être vivant, il a transmis des choses, il a une histoire, et de l'accompagner jusqu'à l'abattoir et de la remercier pour et lui souhaiter une bonne chance quand même pour ce passage à l'acte. Et en partageant ça avec d'autres éleveurs, plusieurs disaient exactement la même chose, que l'animal ne se tue pas de la même façon quand il est accompagné par l'éleveur que s'il est emmené sans accompagnement. Et d'où l'intérêt alors d'un abattage à la ferme. Pour moi, ce serait le top, parce que le fait de les laisser dans le couloir de la mort, comme je le conduis à Virton, c'est encore un acte qui... Il y a un passage, il y a encore un long moment avant de passer à l'abattoir, de passer à l'acte de la mise à mort, et qui n'est vraiment pas agréable, parce qu'il y a les bruits de l'abattoir qui sont infernaux. Il y a aussi ces hommes en blanc, parce qu'ils ne sont pas habillés comme les paysans. Il y a vraiment tout un décor artificiel, et que si on pouvait les abattre à la ferme, ils seraient chez eux, ils seraient tués chez eux, et je pense qu'ils seraient encore au sein de la qualité de la viande les conditions de la vie pour l'animal aussi, parce qu'il n'y a pas que la viande, il y a aussi l'animal et les animaux autour, parce qu'ils savent, ils connaissent. En fait, je me rends compte, j'ai encore une petite histoire, c'est que je n'aime pas un animal seul à l'abattoir. Chez moi, elles ne sont jamais seules, elles sont tout le temps avec d'autres. Et les maîtres de la bétaillère, toutes seules, il y a un stress, elles se demandent ce qui se passe, elles n'aiment pas la bétaillère. Elles ne vont jamais dans la bétaillère que pour aller à l'abattoir. Pour elles, c'est une cage de torture. Et le fait d'y aller à deux, et il y a une fois, j'ai laissé, donc je devais en conduire une, je me dis laquelle je prends avec pour l'accompagner. Et il y en a une qui s'est présentée. Elle s'est présentée dans la bétaillère et elle est montée. Je me dis, tiens, c'est bien. C'est elle qui y va. Et elle est revenue après. Et donc, elle a vu aussi le chemin de l'abattoir. Et je me dis que ça peut être intéressant pour l'élevage qu'elle raconte aux autres ce chemin. Que c'est pas un mystère, un passage qu'elle voit aussi comment. Et je crois qu'elles se parlent entre elles, donc elles peuvent comprendre dans quoi elles terminent, même si elles n'ont pas vu la mise à mort, au moins elles l'ont vu et senti, parce qu'elles ont un odorat 20-50 fois plus développé que nous, elles sentent tout ce qui se passe. Et ça, c'est, je crois aussi que dans un abattoir, par rapport à l'abattage à la ferme, il y a vraiment tout un autre respect ou condition, en tout cas pour l'abattage. Voilà. Voilà, juste un fragment de la discussion sur l'abattage à la ferme. Dans un avenir pas trop lointain, j'espère, qu'on pourra mettre à disposition des enregistrements beaucoup plus complets, par exemple de la conférence des barbus et d'autres ateliers. Pour ce soir donc, déjà un avant-goût. Merci à toutes les personnes qui ont réalisé cette petite foire, les amis de l'espace Miam qui ont travaillé comme des folles, la bande d'arrêt d'urgence et Los Hermanos Perdidos pour la musique. Los Hermanos Perdidos joueront à la guinguette du parc de forêt ce jeudi 8 août. Je ne sais pas à quelle heure. La bière était très bonne aussi. Voilà. Merci pour l'écoute et à bientôt. vous êtes à l'écoute de Transjonal.